Chapitre 10e. Le jeune homme resta confondu lorsque le départ des deux amis fut chose avérée. « Pourquoi ? Pourquoi ? » demanda-t-il à Sava d'un air menaçant. Le vieux domestique, toujours debout, impassible et les bras ballants devant son maître, cligna singulièrement de l'œil droit, sans que les autres traits de son visage eussent l'air de s'en apercevoir. « La mère est une personne très sage, » dit-il. Xavier, furieux, fit un geste violent, mais Sava ne s'en inquiéta point. « Elle a très bien fait, » continua-t-il. « Vous devriez en être content, au lieu d'avoir l'air d'un chat en colère. « Content de quoi ? Malheureux imbécile, de quoi ? De ce qu'elle vous épargne une grosse bêtise, » conclut le serviteur, toujours sur le même ton. Au lieu de se fâcher, Xavier tomba dans une méditation profonde qui ne fut pas de longue durée. « De quelle bêtise veux-tu parler ? » dit-il en tournant vers son vieux serviteur un visage plus chagrin qu'irrité. « Voilà, je ne sais pas laquelle. Il y en avait deux à faire, et vous auriez aussi bien pu choisir la première que la seconde. La première, c'eût été de l'épouser. La seconde, mais ce sont des choses peu convenables dont il ne sied pas, un vieux grison comme moi, d'entretenir un jeune seigneur comme vous. En dehors de ça, il n'y avait rien à faire. » Là-dessus, Sava tourna sur les talons d'un air extrêmement prude, et Xavier le laissa sortir. Au moment où la vie vous tend la coupe pleine jusqu'au bord d'un vin généreux, dont le parfum seul enivre, pourquoi faut-il qu'une main importune vienne vous en défendre l'approche ? Pendant les séances de musique, si douces à tout son être transfiguré, le jeune comte n'avait formé aucun plan d'avenir. Il avait vécu, voilà tout. Que demandait-il à présent ? Vivre, n'était-ce pas son droit ? Quel mal y a-t-il à vivre, vivre heureux, absorbant par toute sa personne épanouie les joies de l'heure présente ? Rayons de soleil, parfums de fleurs, vibrations harmoniques, ivresse de l'amour naissant, qui réunit et combine toutes les autres sensations et qui est le parfum des parfums, la musique des musiques, la chaleur lumineuse de tous les astres, jusqu'au plus reculé. Voilà que d'un seul coup, on avait ôté à Xavier tout cela. Il retombait sur la terre après avoir plané, et même il retombait, non sur le chemin battu, où si les pieds se heurtent rudement, on sent au moins la solidité du terrain, mais dans une sorte de marécage où il n'était pas sûr de ne point enfoncer jusqu'aux oreilles. Quel besoin cette vieille bête de Sava avait-il eu de parler à son maître des deux inévitables bêtises auxquelles ce doctrinaire inconscient bornait la solution du problème ? Xavier n'avait jamais songé à cela. Il l'aimait. N'était-ce pas assez ? Est-il donc nécessaire que tous les romans se dénouent ? Faut-il donc regarder au fond du verre quand on a bien soif avant d'en approcher ses lèvres ? Et voici que maintenant, cette solution à laquelle il n'avait point songé se dressait devant lui avec la persistance d'un mauvais rêve. Pour changer d'idée, il quitta la longue enfilade de salon où il s'était mis à marcher, comme le faisait la mère de Thécla, pendant les heures de musique, et il descendit dans le parterre. Le parterre s'épanouissait dans la gloire royale des lys partout, qui dressaient leurs quenouilles virginales fleuronnées d'or. Autour, les abeilles foisonnaient avec un bourdonnement affairé. Les coccinelles marbraient les feuilles de leurs petites taches rouges. Un tapis de fleurs largement ouvertes couvrait le sol des plates-bandes bordées de buis à l'ancienne mode française. Les rosiers, grands arbustes massifs, disparaissaient sous une pluie de roses qui arborait toute la gamme des rouges, depuis le ton pâle et distingué des rosetés jusqu'au teint pourpre, presque noir, de certaines espèces perdues qu'on retrouve à grand-peine maintenant. Cette orgie de fleurs, de parfums et de bruissements n'était pas faite pour asseoir les esprits troublés du jeune comte. Il s'enfonça sous les bouleaux grêles qui reliaient le parterre au parc, et tout en suivant du regard les ombres capricieuses des branches sur le sentier, il essaya de savoir ce qu'il pensait. Il ne pensait pas, il sentait. Il sentait que, dès que la partie, sa vie à lui perdait son goût et son prix. Tout ce qu'il avait aimé dans ce vaste domaine lui était apparu comme le cadre de la svelte figure disparue. À quoi bon le cadre, si le tableau n'y était plus ? Sa colère était tombée. Il marchait de plus en plus lentement, remontant dans son esprit l'histoire des jours passés, si récente encore, et chaque heure de ces jours était marquée pour lui par quelques souvenirs, un de ces riens adorables dans lesquels tient l'histoire de l'amour. Il allait devant lui, s'enfonçant dans le bois où la fraîcheur protégeait les humbles fleurettes qui vivent les pieds dans la mousse humide. Arrivé au fond du ravin, où un ruisseau s'égosillait sur quelques pierres verdies, il s'arrêta, surpris de sentir ses doigts mouillés. Il pleurait. « Ah ! S'écria-t-il, impitoyable Thécla, qu'importe que je sois riche à présent si je t'ai perdu, c'est toi qui étais ma richesse, c'est toi qui étais la maîtresse de ce château, la fée qui m'avait retenu et transformé. Toi parti, ce domaine n'est plus rien, tout y devient sable et néant. » Il se jeta sur le gazon, au risque de s'y enrhumer, et pleura tant qu'il eut des larmes. Il ne faudrait pas trop l'accuser de manquer de dignité. Le comte Xavier n'avait pas encore 20 ans. Quand ses yeux rougis lui firent grand mal, il s'avisa tardivement qu'avec un peu d'adresse et de promptitude, il eût peut-être retrouvé la trace des fugitives. Elles n'avaient pas pu aller bien loin en quelques heures, et de plus, leur départ ne s'était point effectué sans quelque connivence. Or, si bien que les gens soient payés pour se taire, on peut les faire parler en payant mieux. La Valtaille avait juré de ne rien savoir de cette fuite mystérieuse. C'est qu'on s'était mal adressé. En cherchant ailleurs, on trouverait sans doute. On trouverait, parbleu. Quand même, elles auraient eu pour chevaux les coursiers ailés de Phébus lui-même. Elles n'avaient point franchi en un jour une distance à ne pouvoir les rejoindre. Le tout était de savoir vers quel point de l'horizon elles s'étaient envolées, car on voyait des émissaires sûrs et fidèles sur la demi-douzaine de routes qui, de Bella, rayonnaient dans tous les sens, il n'y fallait point songer. Donc le comte Xavier reprit le chemin du château où l'attendait son déjeuner, fort compromis par un retard qui avait plus d'une fois inspiré au chef la pensée d'imiter l'infortuné Battel. Sur le perron, le jeune seigneur rencontra son majordome, qui le regarda d'un air extrêmement sage et entendu. Cette sagesse extraordinaire attira l'attention du maître, qui crut y démêler une dose de suffisance plus forte que de raison. Avec l'étourderie de son âge, doublée de celle de son tempérament, le comte Xavier se crut fort habile en attaquant le premier. « Vous avez appris quelque chose ? » dit-il d'un ton qu'il feignait de faire dégager, et où vibrait la plus intense inquiétude. « À quel propos, monseigneur ? Si monseigneur veut bien prendre la peine de me le dire ?» Battu sur son propre terrain, Xavier se mordit les lèvres et faillit ordonner au drôle de quitter le château sur l'heure. Mais il se contint car le majordome était sûrement en possession du secret qu'il voulait découvrir. « Je veux dire, » reprit le jeune homme d'un air hautain, « que Madame Menzel a oublié de réclamer ici des valeurs qui lui appartiennent, et que, désirant les lui faire tenir le plus tôt possible, je voudrais connaître sans retard l'endroit actuel de sa résidence. » Xavier s'était assis à table tout en parlant, et d'un air négligent il avait commencé son repas. Tout à coup il leva les yeux et aperçut en face de lui Saba, qui, correct en sa tenue comme toujours, le foudroyait d'un regard plein de reproches. « Je pense, » répondit le majordome en s'inclinant avec déférence, pour présenter à son maître un plat nouveau, « je crois pouvoir affirmer que ces dames sont parties par la route de Varsovie. Un paysan du village qui vient de rentrer, il n'y a pas plus d'une heure, les a conduites jusqu'à la ville voisine où il devait, avait-elle dit, prendre la poste qui passe à 7 heures du matin. « Pour Varsovie ?» demanda Xavier, très surpris. « Non, monseigneur, pour Kiev. La poste pour Varsovie passe à 4 heures de l'après-midi. Eh bien alors, pourquoi dis-tu qu'elles sont allées à Varsovie ?» Le majordome prit cet air d'extrême modestie qui ressemble à s'y méprendre à l'extrême suffisance. « Il m'a semblé, monseigneur, que si ces dames voulaient faire un voyage incognito, elles indiqueraient vraisemblablement le point opposé à celui qu'elles voulaient atteindre. » Au mot « voyage incognito », Sava avait jeté au majordome un de ses regards furieux où se révèle pourtant l'admiration pour un génie supérieur. Voyage incognito signifiant fuite éperdue, c'était la trouvaille d'un homme vraiment fort. De son côté, Xavier se sentait humilié de recevoir une leçon de diplomatie aussi élémentaire. Il mangea en silence pendant quelques instants, quoiqu'il n'eût pas la moindre notion des plats qu'on lui servait. « Eh mais, » dit-il enfin, « si Madame Menzel, d'après toi, ne doit prendre la diligence qu'à 4 heures, on pourrait la retrouver et le remettre avant son départ les effets qu'elle a oubliés ici. « Le temps est court, » fit le majordome en regardant la grande horloge qui marquait 1 heure passée. Cependant, avec de bons chevaux. « Dis qu'on me scelle les tounes, » fit Xavier en jetant sa serviette. « Ce sont des choses trop importantes pour que je m'en remette à personne. Et en même temps, fais atteler à la britchka les 3 meilleurs chevaux de trait. J'en reviendrai en voiture. » « Je le pense bien, » se dit le majordome. « Quand tu auras fait à cheval 35 kilomètres d'une traite, mon jeune maître, tu seras bien aise de t'étendre sur de bons coussins. « J'accompagnerai monseigneur dans la britchka, » dit-il tout haut. « Certainement, » répondit Xavier. « Et moi ?» proféra Saba de sa voix étrange, rendue encore plus rauque par l'émotion. « Non, » dit sèchement le jeune comte, Un seul serviteur me suffit. » Le majordome disparut d'une allure triomphale, et Sava continua de jeter sur son maître ses yeux furibonds. « Vous savez, monsieur le comte, dit-il quand ils furent seuls, vous savez que c'est mal ce que vous allez faire. « Va-t'en au diable !» s'écria Xavier, « je n'ai pas besoin de tes conseils. » « Je le vois bien, puisque vous prenez ceux de cet imbécile, » riposta le vieux serviteur. Xavier haussa les épaules. « À quoi bon se fâcher ? » pensa-t-il. « C'est mal, » reprit l'entêté. « Vous savez bien que les dames, en s'en allant, ont fait la chose la plus sage qui fût en leur pouvoir, et voilà que vous voulez la défaire. « Veux-tu me laisser en repos ?» répliqua Xavier. « Prépare-moi mon habit de cheval. »« J'obéis, monseigneur. Daignez passer dans votre chambre pour que je l'ajuste sur vous. » Machinalement, le jeune homme suivit Sava, qui continua son discours sans se troubler ni se presser. C'est mal d'ôter aux gens ce qu'on ne peut leur rendre. Ces dames sont bien tranquilles et bien honnêtes. Vous allez leur faire du chagrin, à coup sûr. Du chagrin? Pourquoi donc? Où prends-tu que je veuille leur faire du chagrin? On vivait de bonne amitié, on va continuer. J'entends, reprit l'imperturbable raisonneur. Seulement le vieux comte avait probablement d'autres idées sur la jeune demoiselle. De quelles idées parles-tu? Pourquoi t'exprimes-tu en énigme aujourd'hui? Tu es insupportable. Je pense que le vieux comte aurait bien aimé que la jeune demoiselle épouse un honnête homme des environs. Un propriétaire de moyenne fortune, quelque intendant ou quelque officier de l'armée, enfin un homme présentable. Il aurait aimé la voir bien mariée, et convenablement, par rapport à sa situation. Voilà ce qu'il aurait voulu, s'il avait vécu, le vieux comte. « Tu m'assommes, » murmura Xavier. Il était prêt. Beauté, éperonné, sa cravache à la main, il se présenta sur le perron où son cheval piaffait sur place, retenu par deux palefreniers suspendus à la gourmette. Sava l'avait suivi avec une rapidité surprenante, et au moment de mettre le pied à l'étrier, Xavier ne put s'empêcher de rire en voyant d'un côté le majordome, bouffi de sa supériorité momentanée, et de l'autre Sava, grommelant et boudeur. « On dirait le bon et le mauvais ange, comme dans Robert le Diable, » lui souffla l'esprit de raillerie comique, dont irritaient tous ceux de sa race. « Si ce sont des anges, bons ou mauvais, ce sont à coup sûr des anges fort ridicules. » Xavier s'enleva et retomba en selle avec une grâce juvénile, qui gonfla d'orgueil le vieux cœur de Sava, tout fâché qu'il fût en ce moment contre son élève. « C'est pourtant moi qui lui appris à monter à cheval, » se dit-il en s'inclinant jusqu'à mi-corps, pour répondre au salut que faisait Xavier avec sa cravache à ses serviteurs groupés dans la cour d'honneur. L'étoune s'enleva et disparut dans un tourbillon de poussière. « Eh bien, vieux corbeau, » fit le majordome, « tu as beau lui croasser aux oreilles. Voilà notre faucon doré parti pour chasser la blanche colombe. » « Que l'esprit du mal, ton parrain, te confonde et t'enlève !» riposta Sava en montrant toutes ses dents comme un bulldog prêt à l'attaque. « S'il y a du mal de fait, tu en répondras devant l'Éternel. » Du mal, quel mal! Est-ce que la jeunesse, la fortune et la beauté n'ont pas été données au Seigneur pour qu'il s'amuse? Tu ne seras jamais qu'un vieux hibou. Et toi, gronda Sava, tu n'es... Il garda pour lui la fin de son apostrophe. La britchka, superbement attelée de trois chevaux bais, parfaitement assortie de taille et de robe, décrivait un arc de cercle gracieux pour venir se ranger au perron. L'équipage s'arrêta, le majordome se carra sur les coussins, et la troïka s'envola sur la route, où retombait lentement la poussière soulevée l'instant d'auparavant par les quatre pieds légers du cheval qui emportait le comte Xavier. « Je voudrais bien savoir, » grommela Sava en rentrant au château, « ce qu'il va lui dire quand il va la voir. »